éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. Et observe-les, ils verront bientôt. Quoi ? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter ? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. وتول عنهم حتى حين. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. وأبصر فسوف يبصرون. Et observe, ils verront bientôt. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Wa salamun ala al-mursalin. Et paix sur les messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers.